foi du Père, garde son amour, lève-toi de son appât en ce jour. Ouvre sa volonté, quant à sa lumière, trouve ton amour en cet appel divin. Couche ton rédempteur, couvre son ombre, Jésus le convaincra comme en ce jour. Couche ton rédempteur, couvre son ombre, Jésus le convaincra comme en ce jour. Garde la foi du Père, confie sa parole, ouvre son amour, quant à son Église. Garde l'appel du temps, soumets tes désirs, prouve ton amour en cet appel divin. Couche ton rédempteur, ouvre son ombre, Jésus le convaincra comme en ce jour. Couche ton rédempteur, couvre son ombre, Jésus le convaincra comme en ce jour. Garde la foi du Père, confie sa parole, ouvre son amour, quant à son Église. Garde l'appel du temps, soumets tes désirs, prouve ton amour en cet appel divin. Couche ton rédempteur, couvre son ombre, Jésus le convaincra comme en ce jour. Couche ton rédempteur, couvre son ombre, Jésus le convaincra comme en ce jour.